Un. Oui. Hop. Et voilà. Salut la radio. Et... Bonjour. Chers auditeurs, nous sommes le. Oui. Bon, alors on me signale qu'il y a un petit problème de. Un petit radio problème aussi. De casque. Oh. C'est effectivement que oui, mais par contre, on est quand même en ligne. Hein. On est quand même en ligne. Mais effectivement, on a un petit problème de casque. Alors, voyons. Comment ça se fait? Oui. Non, mais si, regarde. Oui. Hop. Oui. Mais voilà, mais tout ah, va bien. Ah, voilà. Bah non, tout voilà va bien. Toujours. Ben, bon. En tout cas, nous sommes toujours donc au Festival Archipel, dans le hall de la maison communale de Plainpalais. Il est 11h oui. et 00 minutes, bientôt une minute. Radiozine. Radiozine est ici présente et voici le jingle. Radiozine, est-ce une radio? Est-ce un fanzine? Est-ce un radis? Est-ce une aubergine? Est-ce un oiseau? Un idiot. Est-ce une usine? Bonjour. Bonjour, coucou, ça va? Ah, mais j'ai pas allumé les pédales. Ah, voilà. Allez, voilà. C'est bon. Oui. Ça, c'était un début vraiment, mais en grande pompe. Alors, on va commencer avec trois respirations. Et avant ça, je vais juste regarder. Hop. Mettre les pédales d'effet, histoire de... Voilà. Voilà. Trois respirations. Tout va bien. Bonjour Camille, bonjour Marie, comment vous allez? Bonjour Antoine, bonjour, comment allez-vous? Bonjour Emma. Ouais, ça va? C'est le tour météo? Tout va bien? Oui. Alors ça va plutôt bien, le marronnier est superbe, on le voit un petit peu par la fenêtre et le ciel qui est au-dessus est juste magnifique. Donc ça me met en joie, ça va très bien ce matin. Et toi? Ouais, moi ça va super, vraiment, on va en parler je crois à peu près pendant toute la prochaine heure et demie qui suit, mais j'ai une maxi révélation instrumentale, alors je suis très très très très contente. Et vous, ça roule? Pour moi, plein de fraîcheur aujourd'hui, j'ai l'esprit léger. Et moi, ça va de mieux en mieux. C'est super. C'est génial. Génial. Alors, ben, puisque ça va de mieux en mieux et qu'on a parlé de fraîcheur, je rebondis tout de suite sur le gros vent du jour. Et le gros vent du jour nous vient de cette merveilleuse ville italienne qui est Pise. Voilà le vent de Pise et de comme d'habitude, tous les jours à cette même heure. Raté. L'interprétation par Trophée Aban, a.k.a. Loïs Castellano et inversement, de ce gros vent en version électronique. Thank you. Voilà, c'était le gros vent interprété par Loïs Castellano, que l'on retrouvera d'ailleurs tout à l'heure après l'interview pour nous parler d'un vent très particulier, très actuel, qui s'appelle le Khamsin.